Akulu kimosi kitata, akulu kimosi kimama, akulu kimosi kitata, akulu kimosi kimama. Mama, mama, bayina kato muka muka, bayina kagulu muka muka, bayina kato muka muka, bayina kagulu muka muka. Mfugotina, mfugotina, mfugotina, mfugotario. Akulu kimosi kitata, Florio. Akulu kimosi kimama, akulu kimosi kitata. Mi ami mwamba la dolce vita simbili gazali nyama kolamba na fete te la fosse so, star si amoni zambe ibela ibela nge maladi katini bokul flash ibela nge maladi katini ibela ibela ayaya nima ayaya ndu ibela ibela ayaya nima ayaya ndu ibela ibela ayaya nima ayaya ndu Sibe, aye, yanga zamu kudata, bonge, aye, aye ba ya elisi. Anakini, Edith

Sérieux, mon bêche. La lumière, José Toumba. Charles Chimba. Charles Chimba. Mama, ville. Yesu se bato ya pesa kimbi si pe mapa. Basala e mabe oko. Mabe. Top mon colo colo, la force de réaction rapide. Avenir est à domaine en Zambé, comme on langue salimine, tout au roba. Isebola, Sugamundo Kuntele, la Jipi Kitenge, et Gabea Kenzo. Chocoro, Chocoro. Les Apollos. Tonton Phil. Yona Willy Carlos. De là mon poussé en route. La 5 sur 5 chez Bissot. Sauce au chocolat quoi. Jackie Abajaki, Dédé Moniato, Action Zakoto. Bien. Brigitte Taille. Yeah. Elias Yesonama Boda Boda Kena Londra côté. Chérie Baba Lié, papa du bon côté. Papa tu n'y pas la poussée, oh y'a n'y pas la monnaie à tout. Maman n'y pas la poussée, oh y'a n'y pas la monnaie à tout. Papa tu n'y pas la poussée, oh y'a n'y pas la monnaie à tout. I'm not yanzambeleki ngai pasco matela na minekela la bisere alina siku Roger Mayemba, na kofunda yo epa ya Didac se londonien na kofunda yo e pa redi a misie na kofunda yo e pa e kumanyi papa na kofunda yo e pa ya luciana popo popo I love you. Luciana, oh, ngaina lela balu. na kata Paris. Chéri Bumba Léon prophète à papa Mosano. Allez Maloma, allez Momo na lone yo yo. Mata papa Mokani. Yeah, mami talala. Amata mama yango me na litula Congo. Fanti est-ce que je suis là? Rien, sinon t'es. Les longs à l'indi, je replie les choses à main. N'a zonginda de nouveau. Bokomiko bime la kanga. komelako kasi tomeli nanu te toyaki kosala nini ye toyaki komela e toyaki kosala nini ko toyaki komelako kasi tomeli nanu te wabla kangisi makolo e oyebi kobina te kabila kangisi makolo e oyebi kobina te joa kangisi makolo oyebi kobina te kokwa kangisi makolo e oyebi kobina te luciana kangisi makolo e oyebi kobina te pona nini bandeko e lasma kolo pas moro danse lasma kolo pas mi danse lasma kolo pas geta bula munu e Neta bula munu na lupangu kasi na bala bala jame Tuku bula na Sokyo kebite Tuku bula yo Geta bula munu ko Geta bula munu na lupangu kasi na bala bala jame Tuku bula na Sokyo kebite Na kubula yo Yama bipenza Ukumona Dance ma kolo pat Moro danse Dance ma kolo pat Dede danse Dance ma kolo pat No menace Thank you.

Don't go. magnifique. Vincent Mangala, le Superman Alain Baïba. fond et panne. L'oxygène de la RTMC. José et Paul Amoulakis. Kanga photo à Nadine. André Weya, Ajou Simba, de Napoli, Pemba. Merci à Sasa. César Gabi. Le boule se sent. Patrick, Kamama, Nanati, Olé, Edi matadia Justin Wela Dadi Matundu Saki Maya Inga Bengi Namao Sébastien Kongwati Justin Tadiala Alex Fumuti François Mavuela Nanga Mozali Fololo Oye Fanaka Jamais Ata Moi Makasi Equateur Fanaka Jamais Bote Samba na page longue comme mon pire. Conga que yebi sanga inami pesate, custona comme maman. Alphonse Onguinama, au lingo sans réciprocité, la dimba qui n'a quoi. On se conserve. Patricia Bouna Renale, Bélo Chassia, Bélé Mochema, Bélé Lofo la boue. Dala Nengana, comme à Kakole, la carane, et Molengi. Totolina, mala, les antiques, le bol, mon yosoto. Aïe, Edouard, Michel. Qui va ça? Qui va ça? Qui va ça? Thank you. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Yeah.